Oui, oui, allez, allez, allez. La partie, comme dans ta vie. On va faire la tarantée de Jean-Paul Fillon, qu'on a faite il y a 25 ans. Te rappelles-tu? La tarantée est arrivée, je visitais tout comme au jour de la halle. La tarantée est invitée pour la journée, que ce qu'il y a, ça va marcher. C'est la fête à mon grand-père, c'est la tarte à ma grand-mère, c'est la tante à mon beau-frère, la belle-sœur à mon cousin. C'est la fête à mon grand-père, qu'il y a du monde dans la salle à manger. Vas-y, la parodie a ses bourrées de l'or salé, comme au jour de la halle. La parodie a va rester pour la veillée, qui est trop bonne pour s'en aller. C'est la fête à mon grand-père, c'est la pipe à ma grand-mère, les cacas, les créatures avec les bêtes à ma belle-mère. C'est la fête à mon grand-père, fuis donc encore un peu. Oh, c'est la fête à mon grand-père, la marmoille à ma grand-mère. C'est effrayant comme il y a du train, puis le bébé qui a fait ta tête. C'est la fête à mon grand-père, c'est la chatte qui fait le ménage avec le chien. La parenté s'est trémoussée pour danser tout comme au jour de la halle. La parenté s'est accouplée, ben alors c'est des hommes, des femmes, des frémilles dans les pieds. C'est la fête à mon grand-père, le plancher net à ma grand-mère. C'est la gigue à mon beau-frère avec le violon du cousin. C'est la fête à mon grand-père, et comme on dit, on est ici pour s'amuser. Tout le monde en classe pour essayer. Chacun chez eux, tout comme au jour de... L'instant-là, j'avais des cheveux. La parenté va s'en tourner, chacun chez eux, tout comme au jour de la... La parenté, mon oncle me dit, ma tante Nora, mon oncle Amy. Ma tante Lucie. Ma tante est morte. Ma tante Lucie est allée aussi, ah oui. Bon, ben bonsoir, là, hein. Vous reprendrez. Comptez pas et tout, parce que nous autres, on n'est pas sortis. Mon pauvre grand-père, il s'est couché. Ben fatigué.